Après Venise, Fiorenza. Fiorenza, Florence, est le titre du deuxième livre consacré par André Suarez, poète français d'origine juive espagnole, né en 1868 à Marseille, à l'Italie, et qui constitue la seconde partie du voyage du condottiere. Comme dans Vers Venise, Suarez y dresse des portraits multiples, critiques ou élogieux, toujours profondément originaux et sentis, d'œuvres d'art, de personnages historiques, de philosophes et de poètes. Page arrachée au Voyage du condottiere d'André Suarez. Second livre, Fiorenza. Extrait. Ave Fiorenza. Fiorenza, Florence. Les Florentins antiques vivent de peu. Leurs délices ne sont pas sensuelles. La beauté de cette ville est d'abord une grâce assez austère, vêtue de charme, et une séduction qui part d'un plaisir, ailleurs inconnu, un visage aux traits presque ascétiques. Ah, puissante et sage Dante, âme violente et cruelle, injuste dans la fureur de la justice, enragée de vengeance et hardie à prendre mesure de toute valeur dans la haine comme dans l'amour. Je ne sais si tu as voulu peindre dans Béatrice la Florence idéale, mais Florence, entre toutes, a pour moi la figure de Béatrice au purgatoire. Et l'esprit qui peut comprendre, quand il se marie à la ville de la fleur, vit en amour avec la dame élue de Dante, ce lys noir. L'air de Florence est vif et sec, aigu l'hiver plus que froid, très chaud l'été, mais alors moins lourd qu'ailleurs en Italie, sauf à Sienne. Le ciel est d'argent, pervenche et pierre bleue. Il tient du torrent sans une goutte d'eau. Il vibre si nettement dans l'azur des beaux jours qu'il semble parfois cligner des yeux et qu'on en saisit les ondes. Les mille et mille nuances du ciel de Paris, le plus varié qui soit au monde, lui sont inconnues. Il n'a rien de cette tendresse humide qui vient de l'océan et de la rêverie atlantique au sourire trempé de larmes. Le sourire de Florence trempe dans le calcul et les bons mots. Son rêve est religieux. La passion n'est certes pas étrangère à cette atmosphère si nette, mais elle n'en fait pas le fond. On ne peut pas dire de l'admirable ville qu'elle est amoureuse, ni dans l'extase. Elle est fleurie. Nouée au ruban de l'Arno, entre les douces collines de San Miniato et de Fiesole, sa forme est d'une aiguière ciselée au milieu d'une longue corbeille. Sa gaieté n'est pas la grâce du cœur. Elle ne baigne pas dans le sentiment, elle est toujours spirituelle. L'allégresse de la raillerie lui est surtout propre. Elle a moins d'épices que de sel, du plus fin au plus gros. Cet air bondissant porte la moquerie et l'éclat de rire. On aime ici la farce jusqu'à la férocité, on se plaît à la dérision. Sinon parfois d'elle-même, on dirait de Florence qu'elle n'est jamais dupe. Pénétrant et subtil, cet air modèle tout ce qu'il touche. Il cherche en tout la forme du dessin. Pour l'esprit florentin, l'étendue est moins le lieu des plans que celui où il dessine. L'élan de Florence à la lumière sans ombre est la merveille qui me ravit aux profondeurs où je suis le plus musique et moi-même le plus. Florence fait croire à la certitude, et parfois même au bonheur, de l'intelligence. C'est vers le soleil intelligible que le lys rouge s'oriente. Une teinte de sécheresse définit mieux la grâce naturelle aux paysages de Florence, aux Florentines, aux Florentins, aux artistes de cette ville miraculeuse et à leurs œuvres. En son noyau, elle est unique par la perfection. Il faut donc qu'elle soit contenue en d'étroites limites. Elle est la pensée de l'Italie, laquelle pense peu. Mais elle prête une forme assez parfaite à tout ce qu'elle pense. La mesure de Florence est presque partout exquise. Elle plaît par là où elle plaît le moins. Elle est l'intelligence de la Toscane, qui est le cerveau de l'Italie. Ils ont moins de goût que d'équilibre. Elles tournent toutes à une sorte de beauté qui ne donne pas à l'âme une nourriture très puissante, mais qui la distrait d'en avoir envie et la dispense d'y satisfaire. Nulle part, on ne sent la perfection d'un monde clos comme à Florence. Ce monde ne va guère au-delà de l'Italie. Il tient entre l'Adriatique et les Bouches de l'Arno, à cheval sur l'Apennin. Belle intelligence et prise de clarté, la forme la plus nette est à quoi elle aspire. Tout ce qui est douteux, la pénombre, le clair-obscur, répugne à Florence. L'enfer de Florence est sans arrière-fond et son purgatoire sans brume. Le brouillard n'est aux rives de l'Arno qu'une vapeur, un souffle expiré par la chaude poitrine de la terre et que le soleil dissipe. Ni trop intense, ni affaiblie, la lumière est d'une égalité presque parfaite. La forme florentine est avide de contours précis. Elle est un peu avare et non sans maigreur. Elle ne craint pas les arêtes. Mais comme on lit le désir dans les yeux de l'amour, on sent que la recherche de la beauté fait la pure ardeur et le génie de cette ville. Ils ont vécu pour la forme belle. Ils l'ont conçue et tout au long d'un labeur séculaire, ils en ont trouvé quelques expressions immortelles. Voilà les titres de Florence au culte de l'artiste, et même à la sainteté. Y a-t-il plus de 3 villes saintes en Italie ? Rome pour l'action et Florence pour l'esprit. En est-il plus de 3 ou 4 autres au monde ? Que Florence nous soit sacrée, ce lieu respire l'intelligence. Seigneurs et tyrans, le secrétaire florentin. Presque à l'issue du Ponte Vecchio, au coin du Borgo San Jacopo et de la rue qui mène à Pitti, face au palais des Guichardins, la maison de Machiavel est encore là. Je la cherche, ce n'est rien. Pas une pierre n'a plus de 100 ans. Il est curieux que les 2 maîtres de l'histoire à Florence, Machiavel l'aîné, pauvre et méconnu, et Guichardin, son disciple, riche, célèbre, 1000 fois plus heureux avec 100 fois moins de mérite, ait vécu l'œil et les fenêtres de l'un sur les fenêtres de l'autre. À quelques 2 ou 3 lieues de la Porta Romana, sur la route de Sienne, je trouve Machiavel bien plus vivant. Près de San Casciano, gros et gras village toscan, Machiavel avait un petit bien de famille, une humble maison des champs, sans luxe et sans style, avec quelques arpents de terre, quelques cèpes et un petit bois. Quand les Médicis l'ont cassé au gage, suspect et sans emploi, sans le sou, dans l'humiliation et la gêne, il s'est réfugié à la campagne, tant pour se faire oublier que pour guérir la blessure de l'orgueil meurtri et d'une vie manquée. Il avait alors dans les 45 ans, un bon âge pour les tortures de l'ambition souffletée. Que faire à Sant'Andrea in Percussina ? Dans une lettre, la plus belle qu'il ait écrite, un peu gâtée toutefois par le ton trop littéraire et l'après, Machiavel compte lui-même son genre de vie. C'est un grand spectacle, celui du petit secrétaire florentin en disgrâce sur le chemin de San Casciano. Il fait 2 parts de son propre personnage en cet exil. Au vulgaire, il laisse son apparence la plus grossière et il réserve son être véritable au dieu de l'esprit dans cette solitude qui est leur temple. Ici, il est à lui seul et à ses pairs. Là-bas, il se fait tout à tous, le reste du temps, et d'aussi mauvais goût, aussi nul qu'il faut être pour ne porter ombrage à personne. Le matin, aux heures fraîches du jour, il bricole sur son champ. Il prend le gibier, lapins et grives, au collet tendu la veille. Il coupe ses légumes et ses salades. Il cueille les fruits, s'il y en a. Toute la nourriture de la maison. Puis, il ne quitte plus l'auberge. À la mode italienne, un verre de vin lui donne le droit d'y demeurer toute la journée. Il cause avec l'hôte, il cause avec tous les passants. Curieux des caractères, avide aussi de nouvelles, il pousse les gens, Il s'instruit, il observe et il s'amuse. Le soleil de l'été toscan darde ses traits sur la route. La poussière fume. Du ciel métallique, la chaleur tombe en nappes de plomb gris et de cuivre. Au flanc de l'osteria, les clients sont à l'abri de quelques mûriers et de quelques platanes sous une treille. Le boucher et le carrier, le roulier de passage, le menuisier sont là, et le gros fermier du coin, le sacristain de la Miséricordia, et Gianozzo, l'ivrogne du pays. Tous ensemble, ils jouent au tric-trac, à l'amour ou à la crica. Nul plus fidèle que Machiavel à la partie. L'enjeu est d'un liard. Il crie, il s'injurie pour tout l'or de Florence, il blasphème, il se menace en forcené. Dieu est porc, Jésus est maudit, la Vierge est le rebut des carrefours. Ils ont les yeux hors de la tête, ils se disputent à s'arracher la langue et le foie. Et soudain, ils éclatent de rire. Ils passent de l'écume et de la convulsion à la facétie familière. Et l'ivrogne de jouer son air de tube digestif pour instrument avant. Machiavel n'est pas celui de ces hommes qui rit le moins, et peut-être s'amuse-t-il plus que les autres. Il ne fait pas la bête à moitié, ni la petite bouche. Il est toujours tout à son fait, et il s'entend comme pas un à être rustre avec les rustres. À l'auberge villageoise du moins, il est ce qu'il doit être sans contrainte. Un Machiavel, son seul désir est d'être lui-même avec plénitude. Il se détend dans le dégoût. En ce lieu bas, la vie est la grosse Margot, et il en jouit, n'y ayant rien de mieux à faire, en crachant au nez des princesses, souvenirs d'avant-hier, laissés derrière soi dans les palais des illustres villes. Or, la journée est finie. Une de moins pour la gloire, une de plus pour la défaite et la misère. Le soleil a disparu, la route est déserte, Machiavel pensif rentre chez lui. La maison est silencieuse. Sa femme, lasse de travaux domestiques, va se mettre au lit. Et les enfants dorment. La belle heure, l'heure noble est venue. Machiavel fait sa toilette. Il se lave, il se brosse. Il dépouille la poussière et la vulgarité du jour. Il prend sa plus somptueuse robe de cour et son linge le plus blanc, le plus fin. Il est vêtu de soie et de velours. Le voici sous les armes, ou mieux encore, sous la chape et l'étole du prêtre. Il entre dans son cabinet de travail, où l'attendent les chefs-d'œuvre des anciens, livres et manuscrits. Plein d'une joie pieuse et grave, il allume deux flambeaux de bonne cire. Il s'assied à sa table, sous cette lumière odorante. À présent, tel qu'en lui-même enfin le seul esprit le change, il prend son beau papier. Il choisit sa plume et la taille avec soin. Il la trempe dans une encre noire et fluide et il écrit. Tite-Live est à sa gauche et Virgile à sa droite. Il continue le prince. Il se venge ainsi des peuples et des rois. Immobile et sans bruit, il foule aux pieds l'outrage de la fortune. En habit magnifique, dans la société des grands esprits et des puissants qui mènent le monde, confident des vainqueurs, il se connaît victorieux, lui aussi, et puisqu'il est digne d'eux, digne de la victoire. Le voilà donc qui est enfin à sa propre ressemblance. L'homme au long nez busqué, au vaste front dégarni où les noirs cheveux frisés grisonnent, est lavé de toutes les souillures et de toute humiliation. Son œil noir cherche les images de la grandeur et s'adoucit parce que, en lui-même, il les trouve. Sa grande bouche cynique a chassé les éclats de rire et le sarcasme obscène. Il murmure des mots et des vers qui purifient ses lèvres boudeuses. La pensée fleurit cette moue amère. Toujours impartial, la nuit complice l'apaise et le convie en époux à l'œuvre de l'esprit. Combien j'admire Machiavel à Saint-André in percussina. Grandeur. Giotto à Santa Croce. Giotto est grand. Giotto est plein de génie. Giotto est juste. Toute la vision sculptée du Moyen-Âge, il la transpose en images humaines et naturelles sur les murs. Il est le plus fécond inventeur de l'Italie. Il élude les trois dimensions. Par Giotto, l'homme échappe au volume et se dérobe à la matière. Ce que les tragiques d'Athènes ont été pour l'art antique, Giotto l'est à demi pour les modernes. Quand sa peinture et sa façon de peindre n'auraient plus le moindre attrait pour nous, sa puissance ne serait pas moindre, ni moins originale sa vertu. Ses œuvres ne sont guère que l'enluminure des murailles, mais d'abord, il a eu l'audace et la force de porter sur les murs de pierre, à l'échelle des églises les plus vastes, les récits plastiques, ornements des manuscrits. Bien plus, il a donné le style et le sentiment de l'épopée à l'anecdote. Par la façon de conter, Giotto me rappelle Joinville. Candide et grave, son intelligence est d'une haute virilité. Il est assurément des 5 ou 6 Florentins à qui Florence doit son illustre maîtrise. Giotto, le premier, a été l'homme du dessin. La puissance de Giotto est celle du dessin. Il ne voit plus les objets au miroir des formules. Qu'elles viennent de Byzance ou d'ailleurs, il les écarte toutes. Il est bien le berger de sa légende, l'enfant qui dessine sur un caillou les chèvres qu'on lui fait garder, la brebis et le bouc. Depuis des siècles, les artistes en Italie ne sont que des artisans. Ils vivent sur des formes toutes faites et des idées fixées une fois pour toutes. Ils se transmettent ce catéchisme de l'art comme les docteurs celui de la théologie. En art, comme dans tout le reste, la scolastique est le règne absolu et mortel de l'école. Sous quelque signe que ce soit, l'école, c'est la mort. Le petit chevrier toscan ne dessine pas les chèvres d'après les bas-reliefs et les mosaïques de l'église, au village, mais d'après les cabres bondissantes de son troupeau. Il regarde le monde où il vit. Miracle, il le voit. Ses yeux prennent possession de tout ce qui l'entoure. Et rien ne le sépare de la nature, ni le préjugé, ni l'éducation. Il ne reçoit pas d'autrui la défroque des aveugles, les recettes qui doivent nécessairement vêtir les pensées et représenter les formes. Oh, le bon, le brave petit gars! Il n'est pas, dès le premier jour, le disciple de disciples qui ont perdu jusqu'au souvenir du souverain maître, qui est l'objet vivant. Et nul n'en approche que par le dessin. Dans un humble amour, avec patience, Giotto va faire en peinture ce que les grands artistes de la France ont fait dans l'architecture et la statuaire du Nord. Au-delà des Alpes, la nature a été la seule institutrice. Le sculpteur et l'architecte n'étaient pas enchaînés par une fausse tradition à un passé dont ils n'avaient plus le sens ni l'usage, et vide enfin de toute vie. Le petit paysan de Colle Vespignano, avide et ardent, adore tout ce qu'il regarde. Il observe les bêtes et les gens, les saisons, les objets et les heures mouvantes. Sa joie, âme de l'artiste, sa joie de voir et de connaître le porte à reproduire ce qu'il connaît, à conquérir ce qu'il voit. Qui a dit assez la grandeur et la magie du dessin? Elle éclate surtout dans le sculpteur, qui bâtit ce qu'il dessine et qui donne à la forme son volume. Le dessin est le langage de la vision. Le dessin est la langue universelle, bien plus que la musique. Le fond de tout art est toujours le dessin, conquête merveilleuse de la vie et de l'être par la forme. Ce que la parole est à la pensée, le dessin l'est à l'essence de l'action. S'il est le verbe, Dieu est le dessin tout autant. Le dessin est divin. Il crée l'image dans le flot du mouvement. Il fixe l'objet dans les limites absolues qui lui confèrent la vie individuelle et son caractère propre. Voilà donc l'enfant Giotto que la nature enseigne sous un ciel heureux et qui s'instruit à donner aux apparences la seconde vie de la forme. Ainsi, Giotto découvre le dessin et il l'apprend à son pays, pour les siècles des siècles. Giotto, d'ailleurs, ne cherche pas la beauté. et presque jamais il ne la trouve. Son type de femme est pesant, rond et court, sans grâce et sans charme. L'homme est épais et lourd, les enfants un peu carrés. Tous, plus ou moins, sont des nonnes et des moines. C'est pourquoi les fresques où il compte la vie de saint François ont plus d'agrément que les autres. Il aime passionnément le réel, et il l'a fait aimer à tous les peintres de Florence. Il le poursuit dans les caractères et les sentiments, au moins autant que dans le costume, le paysage et les détails du récit. Il a beau peindre des scènes idéales, dans une pensée mystique, il s'attache à les rendre aussi vraies, aussi présentes que possible. Par là, il se sépare à jamais de Byzance. Dans ses fresques, il glisse des portraits inoubliables. Combien ne regrette-t-on pas qu'il n'ait pas traité le portrait pour lui-même ? À en juger par les ombres du Bargello, Dante et Brunetto Latini, de quel chef-d'œuvre il nous a privés ? Au demeurant, de ces peintures immenses qui s'étendent les unes par-dessus les autres sur quelques lieux de murailles, à Santa Croce, à Padoue, dans les deux églises d'Assise, rien ne reste pour toujours que les figures isolées. Là est le génie, la profondeur du sentiment, la force de la pensée, la convenance admirable du geste, de la vie intérieure et de l'action. Giotto a mis en scène, une fois pour toutes, l'Évangile et la légende sacrée. Celle d'Assise en est la conclusion naturelle ou le commentaire. Ainsi, le plus célèbre Titien de Venise répète la présentation de la Vierge au Temple, dans la chapelle Scroveni de Padoue. On n'a jamais mieux représenté le mariage de la Vierge, ni l'Annonciation, ni l'apparition de Jésus à Madeleine. Les fresques de Santa Croce sont loin de valoir celles de Padoue et quelques-unes des plus belles qui sont dans l'église supérieure d'Assise. Cependant, le portrait de Dante et François sur son lit de mort, entouré des frères, sont au nombre de ses œuvres capitales. La grandeur de Giotto est dans son invention des sentiments et des figures qui les expriment. Aux idées les plus abstraites, celles du moins qu'il peut concevoir, il prête sans effort une apparence simple et les façons naturelles. « Ce qui manque à mon art manquait à la nature. » Ces paroles, que Politien lui fait dire sur son épitaphe, sont l'hommage le plus juste. Pour la pensée plastique, peu d'artistes l'égalent, et les plus pensants, qui l'ont dû suivre, n'ont pas été plus haut que lui. Il faut aller jusqu'à Michel-Ange, à Rembrandt et au Greco pour rencontrer une imagination plus originale. Ce Giotto, si sérieux, si grave dans son art, d'un ton si soutenu, qui semble ne jamais sourire, était un robuste petit homme, laid, trapu, à la mâchoire de dogue, plein de joie, vif, gai, moqueur, riche en bons mots, grand rieur, faiseur de farces à la florentine, infatigable au travail, simple comme le blé, fécond comme l'épi. Lui, le premier des peintres et l'un des cinq ou six plus grands, il en est aussi, par les mœurs, le type et l'exemple. Il a cette allégresse qui est si coutumière au métier de peindre, où il y a une telle part de plaisir et d'amusement. La palette est un des jeux les plus plaisants du monde, même quand on se fait un tourment de la recherche. Le sculpteur est un hanté qui lutte avec la terre, chair à chair, terriblement. Le poète et le musicien oublient toute matière. Le peintre joue avec les matières magiques du trait et de la couleur. À ce métier de fée, il doit son humeur heureuse. Giotto et Dante, amis et du même âge. Quel contraste entre l'ardeur désespérée du poète et la joie de vivre qui anime le peintre. Le poète tire tout à soi et plonge tout dans le feu rouge et noir de sa grande âme. Le peintre se perd lui-même dans l'objet. Il s'oublie dans la forme. Et fût-ce la douleur, la mort et les larmes, pourvu qu'elles soient belles, il s'y complaît. C'était « Page arrachée au voyage du comte d'Authière » d'André Suarez. Second livre, Fiorenza. Extrait. Texte dit par Nicolas Racca. Groupe de réalisation, Clémence Gross, Marie Le Peintre, Élodie Royer, Étienne Vallès. Voyage du comte d'Authière d'André Suarez est publié aux éditions Granit.